département qui te parle. Avec les cœurs, les couilles, représente le 8-3. Marès connu les défaites, connu les victoires. Balèze comme on est, on les gicle en une fois. Ça parle de tout et rien, pour mon coin est là-bas. Tu veux la vie de rêve, t'es chez nous, y'en a pas. Cauchemar des debout, le monde le crie, y'en a marre. Des riches, on veut que le fric et le reste, rien à battre. Le décor et ses crasses, leurs indiquent qu'ils sont chez nous. Si vous entendez, avant le bruit, couchez-vous, car chez nous, la foi est la seule grâce, de la bonne voix la seule trace. Pour ne pas dire, Dieu est grand est la seule phrase. Même en plein soleil, l'atmosphère reste sombre. Le ciel est bleu et le sol rouge sort. Ouais, t'es chez nous. Sex, drogue, sale bif, arme, porc, sale flic, rien à voir avec chez vous. Mais qui veut me couper les vivres? Mais qui veut se mettre dans ma ligne de mire? Mais qui veut m'empêcher d'être libre? Mes neurones, ma bouche incalibre. Situation extrême, braquage, les récoltes. UVSS, le flingue, FOB, les poils. Riley, chez nous, tu pourras l'air de la tristesse. Alcool et shit sont les signes de la détresse. Partout c'est la même, partout c'est la merde, c'est crade. De la base vit l'homicide d'or. On a la bombe, le son que les misses adorent. Les jeunes rêvent tous d'être habillés en Christian Dior. En bas des blocs, les jeunes font du business. Peur d'être pisté, la vente se fait sous stress. Nos mères sont dans les arrêts de bus en j'adore. Les frères sont au cimetière, paix à nos morts. Pas besoin de faire un dessin, tu vois le décor. T'es bien chez moi au sud et pas au nord. On est voir ça, soldat. Dans le 8-3, viens pas de tête. Car on se met nous-mêmes à l'épreuve. Je te dis pas ça pour impressionner ni pour te faire peur. Un menteur, viens voir un peu si je le suis. T'entendras même son humain saucir. Vendicateur à tout prix. Ici, on a appris à être lucide vite. À réfléchir vite. Bref, à survivre vite. Maintenant on doit apprendre à être sain d'esprit pour vivre mieux et pouvoir gérer la suite. On n'a pas pris la fuite, non. On est toujours dans le site, toujours dans la zic, toujours dans ces foutues zones là au risque visque. Dans le 8-3 pour y vivre ou du fric. Regarde ce qu'on est aujourd'hui à cause de ce fils de. Je t'épargnerai pas qu'il y a beaucoup de racistes, beaucoup d'hypocrites, des lâches, peu de gars qui résistent. Mais dans ma zup, dans ma clique, on insiste. Sans le fait qu'on ne veut pas de direction qui nous assiste. Les MC montent des assauts, des MySpace et des labels. Ça gratte le conseil général pendant que je taille mes lamelles. Y'en a qui sucent Paris et d'autres qui sucent Marseille. Y'en a qui rappent pour les femmes et d'autres qui rappent pour l'oseille. Je vais dire franchement, moi je suis pas un rappeur, j'suis juste un dealer intérim voleur. Et c'est pas une fierté ni même un honneur. Car au pont j'en suis, j'ai rien à perdre mon frère. J'ai juste peur de me noyer dans la zic. Parce qu'y'a personne qui suce Toulon. Y'a que des fils de pute qui nous critiquent. Alors on serre les coudes avec la scène sur mer. Parce que dans cette putain de ville on est tous des frères. On vit tous la même merde, on fume tous le même terre. Donc on a le même rêve de voir la chance nous sourire. Je veux que cette putain de musique récompense nos efforts. Et qu'on me dise tiens, voilà ton disque d'or. Dans le Var, ça bannit le gospel. Apprends le rap, car la rue roule de grosses pelles. Ici les grosses pères traitent les caps de grosses merdes. Et tu le sais. Déambule dans les rues avec de grosses pelles. 8-3. Dans le Var, ça bannit le gospel. Apprends le rap, car la rue roule de grosses pelles. Ici les grosses pères traitent les caps de grosses merdes. Déambule dans les rues avec de grosses pelles. 8-3. Vois pas le soleil dans ma ville ici, que de la grisaille. Un ciel sombre et c'est le sud, ils veulent maquiller ça. Ce nuage toxique n'est pas dû à mon terre et la massa. On a la mer à côté, pourquoi mes potes ont les mains sales. Au bord de la côte avec ta gaufre, toi t'as l'air d'aimer ça. Mais les messages qu'on véhicule à vos yeux ne sont que des mensonges. Alors plus rien à foutre, on veut du fric qui fait comme vous. À force de les chercher, nous on est devenus comme vous. Putain de merde, est-ce le prix à payer? Ce système nous laisse de côté à croire qu'ils nous ont oubliés. On veut des gros billets, ou bien on va les piller avant. Le sud explose, que la grenade soit découpillée. Une calage, notre troupe n'est pas dirigée par Saddam. Malgré tout de cadavres posés sur le macadam. De nos jours les dirigeants font tous aux dames. Avance comme des dames, spouf et jalouse comme madame. Ambiance rap, une feuille esquiloge gratte. Descends furieux, Toulon c'est sérieux. Souvent c'est périlleux, si on grise c'est nerveux. Pas pour rien qu'on s'énerve. Trop de monde sur la liste d'attente d'Ève. Si on a le temps, on a le temps de devenir vieux. Désireux de se mettre bien dans le bien. Mais quand y'a rien, le chétan vient te dit tiens ça. Ça se mettra bien comme t'es un chien, tu fonces. Tu calcules rien, souvent tu casses les reins. Pendant ce temps-là, lui rigole bien. Si tu viens à Toulon, viens entrer. Entre nous, on s'haïsse. C'est pas Lorraine et Hardy, c'est plus Abel et Caïn. Et wesh, Caïn, ici on sort les crocs, pas les canines. Viens pas jouer les gros, nos runes sont pas canines. C'est du Nostramadine, voilà ce que gratte ma mine. Ouais, chez nous, on n'est pas trop doué pour les sports d'hiver. Mais plutôt à figurer dans le Var matin, rubrique fait divers. Entre les énarques et nous, les habits divers. Je reste noir et fier jusqu'à mes viscères. Les mentalités sont en train de pourrir. L'argent, c'est après ça qu'on est tous en train de courir. À la base, je suis un mec cool. Si tu me cherches, tu verras bien qu'à pas de ciseaux qui sait mettre des coups de boule. Le fait d'écrire me pousse à dormir tard. Une spéciale pour mes gars en cellule ou au mitard. Nicolas, sache qu'on sera là pour laver l'affront. De façon brutale, pas l'ancienne comme tirer la fronde. Appelle-moi Freddy la fraude. Endetté, je suis le trou dans le chiffre d'affaires de la RMTT. On désire tous mener une vie de pacha, mais pour l'instant c'est l'inquiétude sur le pouvoir d'achat. C'est APO. C'est de la cam ici, c'est pas du caminé. Rap tramé comme l'a dit Tony, on fait ça tramé. La scène tout lent, c'est la soif, la rage, l'envie, la peine. Tandis que chez eux, grosse somme, tout baigne. Chez nous, pour 2-3 billets, ça se saigne. Imagine la scène, plus le temps passe, plus la merde s'entasse. Prends soin de toi, la vie est le beau cadeau que je nous ai offert. Rien ne vaut le coup sur terre, même ce putain de billet vert. Ainsi le genre de chez nous, à tous nos frères. Plein d'œil à ceux qui sont enfermés, plus à ceux qui nous ont quittés trop tôt. Et dure le fardeau qui repose sur nos têtes. Et veulent nous voir de mauvais côté, qu'ils arrêtent. Lorsque ça va péter, qu'ils s'étonnent pas, à la fois froid et sincère. Je te parle de ce qui nous resserre le cœur, de ce qui nous écœure. Car ici la merde, on connaît ça par cœur. On connaît ça par cœur. Dans le Var, ça bannit le gospel. À fond le rap, car la rue roule de grosses pelles. Ici les grosses pères traitent les caps de grosses merdes. Déambule dans les rues avec de grosses pères. 8-3. Dans le Var, ça bannit le gospel. À fond le rap, car la rue roule de grosses pelles. Ici les gospels traitent les caps de grosses merdes. Déambule dans les rues avec de grosses pères.